lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Hind à Brezonek. Iri, Kentel, Pem Kampem. Pem Kampem, 505. Voilà. Pour cette nouvelle leçon, eh bien, on commence toujours par Gerioarvué. Voilà. Et on va découvrir un verbe. Oui, alors c'est un verbe qu'on n'emploie pas souvent quand même dans la vie courante, c'est crouin. Crouin, créer. Pourquoi on ne l'emploie pas? Parce qu'on ne crée pas assez? Si, on l'emploie quand même pas mal. Avant, c'était un terme plutôt religieux. C'est Dieu qui crée. Et oui, le créateur, hein, bien sûr. Et puis maintenant, il y a d'autres créateurs. Hein, c'est... beaucoup de gens sont créateurs ou se considèrent comme créateurs. Donc, on l'emploie un peu plus maintenant dans le Brezon de Gevraiment. Voilà, crouin, alors avec un tilde sur le N. Crouin, créer. Donc, c'est un verbe qui est venu d'une forme plus ancienne en breton, qui était croéine. Et donc, on trouve dans les textes du Moyen-Âge, par exemple, et on trouve le même en gallois également. Hein. Donc, ça vient du latin créare, qui veut dire créer, et qui a donné le verbe en français aussi, hein, créer. Voilà. Alors, c'est un verbe régulier, donc il a une base verbale qui est crou, et donc un participe passé crouet. Hein. Alors c'est un verbe qu'on trouve sous cette forme-là, par exemple crouedebed, herbed dans notre oudou, et hein, on trouve toujours dans les textes religieux, hein, bien sûr. Hein, et un escrou de nélé, hein, dans les cantiques, tout ça. Voilà. Donc, on trouve ça beaucoup dans les textes religieux, mais également dans les textes profanes. Hein. Parce que ça a aussi le sens de mettre au monde. Crouin, mettre au monde, voilà, c'est une création, quoi. L'idée, normalement, de la création, c'est de créer. La création, c'est faire quelque chose à partir de rien. Ce qui est pas facile. D'ailleurs, Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Voilà. Donc, en fait, créer à partir de rien, c'est pas très facile, quoi. Voilà, ça désigne aussi l'action de la nouaison chez les fruits, c'est-à-dire le moment où on passe de la fleur au fruit. Ça s'appelle la nouaison en français. C'est joli. Oui. Par exemple, on va dire un évécrou et des navalo. Au moment, les gens regardaient ça. Hein, le moment où on passe, et c'est un moment délicat. Si un moment gèle à ce moment-là, le fruit avorte. Voilà, et la récolte est perdue. Alors, il y a beaucoup de mots qui sont dérivés de ça. Par exemple, crouer. Créateur, roueur, hein. Notre oudou est crouer herbied, hein. Bon, voilà. Kruidiges, la création. Kruidiges herbied, la création du monde. C'est la genèse aussi, hein. Voilà. Kruedeles, on dit aussi Kruedeles, hein, pour la création du monde. Alors, un mot qui est très employé aussi, c'est Kruadur. Croadur, qui est la créature. Hein. Mais c'est même parfois employé bizarrement dans les chansons. Oui, parce que c'est pour les enfants. Ouais. Même en Chomedin Tanves, on disait Croadur. Voilà, c'est ce que j'allais citer. Ah, voilà. Ma mère est restée veuve avec 7 enfants. Avec 7 enfants, oui. Alisseis Croadur. On trouve toujours ça. Et c'est toujours Seis. C'est très symbolique, bien entendu. Hein. Voilà. C'est également utilisé, alors le pluriel c'est Croadurien, hein, et c'est également utilisé dans le sens des créatures de Dieu, en fait. Hein. Doueata di Croadurien, roi, Roueata di Croadurien, roi et père de ces créatures. Voilà. Alors, donc je dis le pluriel c'est Croadurien, hein, et comme c'est un pluriel de nom de personne qui n'est pas en ou, ça donne leur Gruadurien. Donc, leur Gruadurus, une jeune fille, hein, une jeune fille, et des fois c'est employé pour dire une belle jeune fille. Hein. Dans ma maîtresse Cornuelle, il y a ça. Ah oui. Or Gruadurus, hein, une créature, quoi. Un vrai avant Gruadurus. Ah oui, alors il y a, Il y a aussi dans beaucoup de chansons, « Vran Kouradurus, Noa Kruelanzalver ». Ça, ce sont des phrases tiroirs qu'on met dans les chansons comme ça pour allonger la sauce, si l'on peut dire. Et en particulier sur la description, il y a une description stéréotypée un peu de la belle, de l'amoureuse, « Vran Kouradurus, Obe de Kruelanzalver » et tout ça. « Gand Blemelen » bon, tout ça, il y a. Vu avec les yeux de la boire. Ouais, voilà. Et, mais ça permet aussi de se reposer pour les chanteurs. Parce que comme on trouve ça dans plein de chansons, ça fait un, moi j'appelle ça un tiroir, quoi. D'accord. On met ça dans, voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de. Alors, il y a aussi quelques autres mots, comme, crouance, par exemple, qui désigne le frais de poisson. Hein, et cruel aussi, qui désigne l'embryon. Cruel, c'est un mot féminin, donc on dira cruel. Eh ben, on va terminer sur l'embryon. Eh ben, on reste là-dessus, on passe à la deuxième partie, Brezhon Nectan Matamb. Alors on part maintenant pour Brezhon Nectan Matamb, c'est le dialogue. On part, Henri, eh bien à Zantoluk. Oui. On part à Zantoluk à la rencontre du président du club de boules. Oui, voilà, André Gag qui habite à Kerverne, hein, un village de Zantoluk. Ça fait un moment qu'il habite là-bas. Hein. Oh oui, ça fait longtemps, oui. Et il est président des boulistes à la fois de Zantoluk et de Poudérien à côté. La commune qui est de l'autre côté du Blavet. De l'autre côté du Blavet. Salut André. Madantra Gonard. Ya matré chanik à Gonard. Matré yé. Mais la redinta André. Rui est président d'Arvouloustet. Ya président d'un strolat Berterboul ou Bézavet. Quand tu te zantolog à de splouderien, c'est te glaso. Ag en man on ba boulodrom zantolog. Ya chanik. Derne zun du de l'ara aisé, iliseur boulou. Mais guiré hors boulodrome caire. À Galilée, c'est vé roiriet boulot en main. Oh, ya, BMD pévé clou à roir un amse, pligera de régos au beurre parti, à gvéjo vé tu diowang. Tu diowang? Ya, divé germi se vé get kentelio et vi disque roiri, scolor boulot vé gré de sé, disque vé pose ou à reun, pédré au blancon, téno ou à roule, pé ou à boc, on tombe psort, mais don d'orvé j'penec de vel ma peçoine. Ah, ya, André, don urine. Voilà. Et voilà, on va reprendre. Phrase à phrase, Henri, ce dialogue entre le président des boulistes et Chanik, André Gac. Salut d'André, Madame Trag en or. Oui, ça va, les choses vont bien avec vous. Ya, Matré Chanik à Gonor. Oui, et avec vous. Matrié, met la redine à André, oui, et présidente à vous listet. Oui, mais dites-moi, André, vous êtes président des boulistes. Alors vous listet, hein, c'est un pluriel de nom de personne qui se termine pas en ou. Donc, après l'article, il y a une mutation. Alors vous listet. Ya, Chanik, président d'Arstrolat, Berdar Boulot. Oui, Chanik, je suis le président de l'association Berdar Boulot. Sus au boule, si on veut. Allons-y au boule. Betzavet gan tut de Zantolek. Oui, qui a été créé par des gens de Zantolek. Ah, de Spouderien, Seitek Vlasso. Et de Spouderien, il y a 17 ans, Seitek Vlasso. Ag amant omba boulodrome Zantolek, demande Chanik. Et ici, nous sommes dans le boulodrome de Zantolek. Ah, y'a Chanik. Dek Vlasso et Betzavet. Et oui, Chanik, il y a 10 ans qu'il a été construit. Tutzo à l'avare ilis arboulou. Alors certains disent c'est le temple des boules. Guire et or bouloudrome ke. Ben oui, c'est vrai que c'est un beau boulodrome. À Galilée, c'est ferroiriette boulot en main, demande Chanik. Et on joue souvent aux boules ici. Ah, ya. BMD, pavé clouar, awar en amzer. Oui, tous les jours, quand le temps est assez tiède. Alors c'est une façon plaisante de dire quand il fait beau, quand il fait assez chaud. Pligera d'Arregos au Berar Barti. Oui, ça plaît aux anciens de faire une partie. Pligera d'Arregos au Berar Barti. C'est-à-dire, les anciens aiment bien faire une partie. Mais la Véchou, Vétudieu Wank y est. Mais de temps en temps, il y a des jeunes aussi. Tudieu Wank, demande Chanik. Des jeunes. Ya. Diou Véchermis, Aran Kenteliou et Vide Diski Roari. Oui, deux fois par mois, je fais des leçons pour apprendre à jouer. Scolar boulou, ve l'arrêt de zé. On appelle ça scolar boulou, hein, l'école des boules. Desket ve pezoarun. Pozoarun. Alors on apprend à poser directement ou par la planche, pedreyer blancon. Ouais. Tenoir roule. J'arrive pas à lire la photocopie. La photocopie, c'est un peu. Oui. Un peu dératé. Tenoir roule. Tenoir roule, hein, tirer à roule. Hein, Pewar Bok ou Apok. Hein. Un Tombepsor. Un Tombepsor, on a un peu toutes les techniques. Hein. Apligea d'Urvé. Et il y a du plaisir. Mais deux d'Urvé Choubenak et de Vélet. Mais oui, viens donc une fois ou l'autre nous voir. Ah, il y a André, dont Nerine. Voilà, elle viendra. Donc il y aura une émission là-dessus, certainement, prochainement. Parce que Chanik tient ses promesses. Oui, oui, tout le temps. Allez, on passe à la troisième partie après ce dialogue. C'est Petra Zonet-Vervro, c'est la Gazette d'Henri Le Naou. Thank you. Eri, petrazo neve ar vro. Kalze dra ouzo neve ar vro, evel just, boer vez di ouzan. Deja, mam kle de goukou ko kan an va purut, a kan ar a bra ou blamant. Krog om de dianta evel just, gant labour douar hag ur vue war ar mez. Pe gomtin de ze labour douar, un DL oa un terali ou ba zambriek, a zo bet kalze dut, neup tor me me stravi de bla yoel. Surtout tu de ze vichor oa ketien me tvel bla yoel. Pe dur zo trubu gant labourer yann douar evel just. Hendel, kom ze ve kalze ar mar eman, de ze louzeyer chimik ve implije de vide l'arbre douar, mais quand kal ze dun hendel vide liors pe ba her yo oas, hag louzeyer ze ve hand vet pesticidet. Zezo ar ge a oa bekrou de ba, tro blavez yo triugen de ze hand vet el, eus oz neug de diantan, pesticid. Hag un gears bon pest pe pestis ze ve in plus vi komp ze ze leve da. Pe zo un draval, gwegel vi gelar de latin de Zatila ou a pestis dei. Le fléau de Dieu. Ya. Ze ve kant ba Ernest Lavis a la Attila. Hag gal hag oa ve la meuslar a le fléau de Dieu. Hag los dier sid, pure pesticide, ve impli de so los gier de ce latin a ge ve impli je de vidlar laro pe laran da square ve lar d'homicide régicide déicide fratricide déicide mam bes nois au cas laro notre ou doué mais ils ont dit ils ont tort je vois a ge bon quel arrêt de guerre pesticide zo deux de ze zé avec avet calze draw insecticide de villar en imprévendet fongicide de villar au mildiou da square war pato herbicide raticide da miwarmi molluscicide au bern trozo avoir dash en louzeyer ze zo en mahad divin war herbid hein plusieurs au stadio bras vel bayer pe monsanto a gestadio ze ne scalzeran vi krui stroladou de boizan war a boliti kourien vi harz ve febit vot le zeno en update hag stroladou ze ve lart lobiou a reiz ne skal ze boiz ba Washington pe ba Bruxelles ma meus mot set u perek Etienne Sterd ober le zeno a hefe en update d'ur staliou ze Da skouer ve komp ze kalz deus ur glyphosat an dant ve ve kavet an dant ve chimik ve implijet de lar o blanten ou a bep sort hag ur glyphosat se ve kavet da skouer ba ze roundup a studio zo beget hag a zisk e val pud an draze putur herve en OMS ur ze be de leur yeret ve fe be de on dra refe rinbe d'un dut, zevelar de galak potentiellement cancérigène. Mais de bon, comme je zoz be de se ba brejou, bre Europa ne vaisseau, mais de bon, ne sket be disklum be de pudior, ben meus l'artar lobbyet zo solid hardy, an eus kalzeran. Ba brovran, jusmad, zo a lezen oa ar estern evit gwellad an endro, an vede gal hag loa sur la biodiversite, hag evel jus neus ke ve komp ze kalz de ze ba media yo, pudur zo reuz war dachen lezen oa ar labr, setu vek komp ze kalz de ze. Ma trezen vo diskler yel an traoù prestik. Mais n'est que voir abord les énous raid des bouts des fédus ou à l'air aziz ou na ferait les vel juste plus dur lesen n'est que voir vote lesen mais ou à l'air vers raid abord trop voir un dachen chôme moi son temps voir là bourdouar brovrance velar calze loué bon balerel ba broyowel calze broyowel vaik l'ar de loué Ven lusket de vrasat, hag ba brovranz e kustum un dut de zibi ki loe, set un bon, set un aze ba brovranz e l'air War Urbid, l'armevé l'art de mûr ne loyau. Hag, me mestran eus disken et ze an vek de deb tiem de loyau ou vel vije deb de trugen lasso. Bon, dans mon temps, war dachen en endro, strolat parouz ou kreiz breiz a CCKB, neus zo jonj labourad war ar aktres, evit zevel tour you avel, evit rei tredant de ur vro. Hag bon, zive fe begret, sa tu plou gerne, hag ti an griz moelou a ba plonne. Hag merkoz, merkoz tre malga d'Eric Brian, zo in karg de ze naf ar ze, vid vro, vid CCKB. Dans mon temps, broyman war dach en ur politik erez. Pell om roaz deus ur votad hag ur bla de zon, hein, bla seitek, pe vo dibab don den, evi mon war gad ur rou e bro Franz. Met deja zo kal ze dud war arreng, milardar zo dud war arreng, hag re ru, re gwen, re pechar, a beb sort. Hag gwell ur an ba vro am Christian Troadeg neus lared oa jonj mod de der al mon bet a pen a ma trezen vi mon oa ar tron rou e vrans met de nek lard he ruo me nevek gwaard kalzen dun zo war, war a rank bon, donc vraiment war da chen ur zevenadur de dientan a ze han de lard ondra Martial Ménard neus gred o ur geria d'ur neve war ar brezhonek hag ne vo ket kavet un pap ar kavet vo war ur rouedad hag divri pig bezedaj me zon o c'hen montevelen a bon me Martial Ménard zon den skiant hag on zur war vo on dra plijus l'art de Alice et Breiz Brouwer Gouelliou, à Guiré, Calz, Gouelliou, zo, vrai ton, notre bichet, or Gouelliou, Gouegel, Vigé, or Pardon, yo, à Calz, Dut, Vigé, bah, Pardon, yo, ou de Grade, Plijad, yo, anon, Grave, ou de Sambles, à vraiment, avec Gouelliou, Gouelliou, Bob, Sortro, d'Asquire, un drôle de Gouelliou, Erwan, Vec l'art an gwell erwan ti non eub ab laio zo, vije l'art gwell erwan, pe dur oa ba mizmei, an dro de gwell erwan, met bon tud so a gravede oa ze, redos de ze religi, on se tu ve l'art fet de la Bretagne. Bon, man. Ya, jonj gwa bet or tam de ze gwell erwan, pe ze vegret, ba, Xan Patrick, ba bro eo erzon, met bon, Bénéfine et chôme de fête de la Bretagne. Et il se l'a saut, mais on avait grédé. Non, c'est quoi. Mais de cuder nous au grand Gouelliou, hein. Puis on verrait quand calze du de Yulvat, à vide de case Trouaroc. Ag Gouelleron, bon, viso calze Gouelliou à Nusbir, hein. Da square blanc menus que bet gwell an dreu jeun gol, ba gronvel, hein. Hag, bon, zira o toul ba mes ke gwell yo, hein. Hag, kalz blas o gle an lard, et diez ober gwell yo. Me mestra, bon, ba nan de zon vo kalz gwell yo brau, hein. Da square vo zon loup ba gwen gam, gwell an dans plin ba... Ben Danouet, hein, gwell un danse ficelle, gred gand la gevridig eus al ficellerie de Barostren hagel. Bon. On den a zo bru de tri ba vro am, et Jean Hamon, velard de Saint Jean qui a grist, hag man hor neus gred o narvez neve, hag man hor on trop breiz zadare, videur vej diou ez an eus lard, quoi. Vej en amzer a vej diou ez an. Alors, lard eus vej me vo an an diou ez an, met den bet evel just, de gred ze, quoi. Peut dire, om kustum de gled ken a vo, jean ki a grist, hein. Az ur voir vo c'hat gwell ar oaz be war trawel. Bon. Kalz vichon an tamm war dach en zevenadio. Kalz droio, kalz droio ve gred war chapel you evro. Da square ba ba gwengam chapel zan Leonard zo echu roman. La boio zo be gred. Hag un deel oa, oa bet plante d'or magnolia evit fin labourio, quoi. Ah ba, kal se blas a oe, la ve, ve gred un dro d'or chapel you dis. Bon, setu yon tamm deus peso neve, hag ben a vegel vo kont a oas. Kenevo, Eri. Ya, kenevo.